France Culture, il est 16h. Tout de suite, Continent Science, Stéphane Delisgorges. J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité. Comme à notre ordinaire, comme tous les lundis en ouverture de la série Science Culture, aujourd'hui bien sûr Continent Science, toujours en direct du studio numéro 1 de la maison ronde, de la maison de la radio. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, à notre programme, d'abord le cadre général qui est le partenariat que cette série de France Culture, donc Science Culture, entretient depuis quelques années avec Science et Vie. Science et Vie et ses annexes, bien sûr, qui sont nombreuses, mais en tout cas, là, c'est directement en relation avec le dernier numéro de Science et Vie, et bien sûr en compagnie de Hervé Poirier, qui est son rédacteur en chef. Et nous allons parler, puisque nous avons extrait du sommaire de ce numéro de Science et Vie, et c'est sur sa une, des micro-robots, des micro-insectes, des micro-abeilles, des robots-abeilles, des choses étranges. En tout cas, toutes de nature miniaturisée, cela avec un spécialiste, Sébastien Grondel, et il est micro-mécatronicien. Vous allez comprendre tout de suite ce que cette spécialité veut dire. Mais nous n'allons évidemment pas changer nos habitudes. Et tout de suite la chronique animalière. Pour cette chronique animalière, aujourd'hui, je retiens un perroquet, le grand Vasa, alias Charopscopsis Vasa, que certains nomment tout simplement perroquet Vasa, sans article. Il mesure 50 cm environ, son plumage est gris-brun sombre, mais légèrement plus pâle sur les parties inférieures. Originaire de Madagascar, il vit dans les forêts tropicales humides, les cocoteraies littorales, les savanes arborées et les rizières. Le perroquet Vasa est sociable et très curieux. Il explore et manipule des objets en captivité. Mais parmi les 300 espèces de perroquets, l'utilisation de l'outil est relativement rare. Certains cacatoès utilisent des pierres pour tambouriner sur les troncs d'arbres, tandis que le hara hyacinthe, lui, utilise des bâtons pour récupérer des noix ouvertes. Le kea, le terrible kea, l'espiègle, lui, il est de Nouvelle-Zélande. C'est même le perroquet le plus expiègle. Il sait ouvrir les robinets, il exaspère les Néo-Zélandais parce qu'il le détruit avec beaucoup d'allégresse et de célérité. Les enrobages en plastique des portes de voiture, ça c'est le kea. Mais il peut aussi utiliser des outils en laboratoire. On ne sait pas encore si le kea les utilise spontanément dans la nature. En tout cas, grâce aux observations de Megan Lambert de l'université de Yorkton en Angleterre, le perroquet Vasa donc rejoint le club exclusif des perroquets qui utilisent des outils. Et il est le seul animal, à part l'homme, à avoir été observé en train de moudre certains aliments. Et oui, une sorte de perroquet meunier. En 2013, cette biologiste a remarqué que les grands vasas du parc animalier du Lincolnshire semblaient lécher des coquilles de coques qui bordaient le sol de leur enclos extérieur. Mais quand Megan Lambert regarda de plus près, elle remarqua qu'ils tenaient un caillou ou un noyau de dinde dans leur bec et qu'ils le frottaient contre ces coquilles. Les coquillages qu'ils broient sont constitués de carbonate de calcium et les perroquets ont besoin de ce calcium pour fabriquer les coquilles de leur œuf. Lambert pense alors que les vasas utilisaient les cailloux et les noyaux pour broyer les coques et libérer le calcium en leur sein. D'autres animaux de ponte ont été vus manger des coquillages, sans doute pour les mêmes raisons. Mais les vasas sont les seuls connus à préparer de la sorte ces coquilles. Et chose étrange, il y a peu de femelles qui travaillent à récupérer ce calcium, à en faire de la poudre. Cela semble être presque la tâche exclusive des mâles. En fait, au cours de la parade nuptiale et de l'accouplement, les mâles vasas passent beaucoup de temps à nourrir les femelles avec des repas régurgités. Peut-être que la teneur en calcium de ces fluides est une indication sur la qualité du mâle que l'on va prendre comme compagnon. Quoi qu'il en soit, ce comportement des vasins est certainement commun. Au cours des quelques mois, les chercheurs ont observé 10 grands vasins du parc interagir avec des coquillages et au moins 5 d'entre eux broyer des coques avec des cailloux ou des noyaux. Un oiseau en particulier, un mâle, du joli nom de Gilly, était un utilisateur d'outils particulièrement prolifiques et permettait même qu'on lui emprunte ces derniers. À 16 reprises, et c'est la conclusion, Megan Lambert a vu l'un des perroquets femelles emprunter, chaparder, que sais-je, l'outil d'un autre, généralement, J.D. tolère parfaitement et placidement ces sortes de vols. Bonjour Hervé Poirier. Bonjour Stéphane Deligeorges. Et bonjour, alors comment dois-je dire ? Allez, je vous laisse redire votre spécialité, parce que un petit mot d'explication et je donne votre nom tout de suite. Bonjour Stéphane Deligeorges. En fait, micro-mécatronicien, si je résume, la mécatronique, en fait, c'est l'histoire d'avoir un système physique auquel on a ajouté une fonction électronique pour atteindre des performances que jamais on ne pourrait atteindre. Et la micro-mécatronique, c'est le fait d'associer sur un même substrat, en silicium, la fonction électronique avec le circuit intégré et la fonction physique avec le microsystème électromécanique. Voilà, vous avez donc maintenant l'explication. Alors, d'abord pourquoi ? Évidemment, c'est une des traditions de Science et Vie d'être très attentive au développement futur, en particulier technologique. Il n'y a pas, évidemment, il y a des grands dossiers sur la science fondamentale, la science dite académique, la belle science. Mais aussi un souci qui existe depuis l'origine pratiquement, hein, sur le futuriste, le futurable. Hein. C'est bien ça Hervé Poirier. Absolument. On est aujourd'hui plutôt dans l'ère du drone où on peut en acheter dans n'importe quel grand magasin des petits objets qui volent. Enfin petits, ils peuvent atteindre en tout cas plusieurs décimètres. Et le cinéma aussi nous a habitués à cet étrange objet qui sont les robots géants. Avec, il y a eu pas mal de dessins animés ou de films sur ces machines plus ou moins spectaculaires. Nous, ce qui nous a intéressé, c'est d'enquêter sur la direction absolument inverse, sur les robots miniatures qui s'inspirent plus ou moins explicitement du monde des insectes, dont des sortes d'insectes électroniques ou e-insectes. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup, beaucoup plus prometteur, beaucoup plus intéressant que les robots géants qui, on va le voir, sont soumis à des lois de la physique qui les empêcheront d'être très efficaces, alors que les robots miniatures, comme on peut le voir avec tous ces insectes autour de nous, peuvent faire des choses absolument incroyables que leur taille leur permette. Donc, nous avons été assez surpris de voir que dans beaucoup de laboratoires du monde entier, il y a une maturité de la technologie qui fait que l'invasion des insectes électroniques est à prévoir dans les années à venir. Donc nous avons en effet ouvert quelques portes de laboratoire, interrogé de nombreux spécialistes pour essayer de dessiner cet avenir qui est tout aussi fascinant que parfois un peu même inquiétant, en tout cas qui nous promet une magie technologique absolument inimaginable par le cinéma. J'ai jamais vu de film qui nous montrait ces œuvres, enfin ces nouvelles machines à l'œuvre, ni par ces drones que l'on peut voir aujourd'hui survoler nos jardins. Alors on verra, on pourra faire des propositions pour les gens d'Hollywood, en particulier avec certains d'entre eux. Sébastien Gandel, vous travaillez, vous êtes professeur à l'Université de Valenciennes. C'est là où vous dirigez ce labo qui, en particulier, donc, vous avez changé dans l'intervalle puisqu'on parle de robots abeilles. Le programme ne porte pas ce nom, il a un acronyme. Et d'un seul coup, vous avez envie plutôt de parler de robots mouches. Mais de toute façon, les problèmes sont les mêmes. Est-ce qu'on peut dire que l'affaire essentielle, c'est la miniaturisation, parce qu'elle va tout changer et que les lois d'échelle, eh ben, vont nous apporter que des étonnements, là. En particulier, un certain robot peut comparer à notre taille, ramener à notre échelle, faire un saut qui serait l'équivalent si Hervé Poirier sautait sur un immeuble de 35 mètres de haut. Tout à fait. Sans blesser. Alors, mais la petite échelle, les lipusiens robots arrivent. Alors en fait, il est clair que lorsqu'on passe du macro-monde au micro-monde, les lois de la physique et les forces sont totalement modifiées et chamboulées. Et je pense que pour que les auditeurs puissent vraiment se représenter ce fait, il est important de se représenter un dé sur lequel on viendrait diviser par 10 le côté. Mmh. Donc on aurait la surface qui serait proportionnelle à une loi carrée, qui serait divisée par 100, et le volume qui serait lui-même divisé par 1000, puisqu'il obéit à une loi au cube. Et donc on se rend bien compte que le rapport de 10 entre les forces de surface et les forces de volume font que dans le micro-monde, les forces de surface vont devenir plus importantes que les forces de volume. Eh oui, on voit immédiatement, si on continue à développer, qu'on miniaturise comme ça, que en particulier, et c'est lié directement au paramètre du volume, plus il est petit, et plus, d'une certaine manière, l'objet s'affranchit des forces qui sont d'habitude beaucoup plus prégnantes. On pense à la gravité, tout simplement, mais on peut voir aussi des forces, et là elles vont être mobilisées, qui sont liées à la surface, en particulier aux surfaces des liquides, qui ont une certaine pellicule. Alors on va dire tout de suite, pour faire image, que les insectes, en général, quand on regarde des êtres de petite taille, eh bien, ils peuvent pas prendre de bain. Ils ont un film qui est donc cette surface de mouillage supérieur qui les handicape. Mais là, ils vont en affranchir et ça va être au contraire. C'est plus un handicap, ça va être au contraire un paramètre très intéressant. Donc on peut dire que la miniaturisation va apporter, c'est ça le grand cadre. C'est clair. En fait, on s'aperçoit qu'il y a un grand nombre d'exemples dans le monde des insectes qui permettent d'illustrer finalement ce changement des lois physiques. Puisque comme vous l'indiquiez, Stéphane Delisgeorges, le moustique marche sur l'eau. Mmh. Puisque finalement la force de gravité et donc son poids sont très faibles devant la tension de surface donc de l'eau. Que la fourmi est capable de soulever 100 fois son poids, mais ce qui est aussi logique puisque sa puissance est proportionnelle à sa surface, donc la puissance de ses muscles est proportionnelle à sa surface, alors que son volume est proportionnel à la masse, et donc on est capable de soulever des choses beaucoup plus importantes quand on va vers le micro-monde. On a également le cas de la mouche au plafond, c'est-à-dire que le fait que, évidemment, dans le monde macroscopique, on ne peut pas permettre à des particules de se rapprocher à des distances vraiment très infime, de l'ordre de l'atome. Par contre, dans le micro-monde, le fait de pouvoir rapprocher des particules à des distances de l'ordre de l'atome va permettre de développer des forces qu'on appelle les forces de Van der Waals, c'est-à-dire des interactions électriques entre les particules, et c'est ce qui permet l'adhérence de la mouche, mais également du lézard, le gecko. Et le petit gecko, oui. Mais en plus, il a plus de malice encore, parce qu'il a aussi des coussins qui ont des propriétés très très particulières vis-à-vis des surfaces. On pourrait pas. C'est pas notre objet, le gecko. Mais en tout cas, donc ces forces de Van der Waals, c'est intéressant parce que évidemment, là, ça permet une adhérence. On comprend que ça permet une adhérence supérieure, quoi. Et elle devient vraiment. C'est curieux d'ailleurs parce que. Toute petite incise, ça correspond à des lois de ce qu'on appelle généralement l'allométrie, c'est-à-dire quand on regarde des choses différentes. Ainsi, quand on regarde le volume ou le poids du corps, et qu'on regarde par exemple les battements du cœur, eh bien, quand on a compris en particulier une loi qui s'appelle la loi de Kleppner, on voit que les baleines battent du cœur toutes les 3 minutes, 4, j'ai oublié, mais peu importe, enfin c'est un... Pouf, mais c'est un cœur qui doit peser 200 kilos, peut-être plus. Alors qu'une musaraigne étrusque qui fait 2,5 cm, elle est aux limites de l'épuisement cardiaque. Et donc, il y a une correspondance comme ça. Et donc, c'est celle dont vous profitez, là, hein, évidemment, dans tous ces projets. Alors, qui a été pionnier dans l'idée d'utiliser l'entomologie comme réservoir? Parce que, dans ce cas-là, est-ce qu'on peut dire que vous êtes un biomiméticien? On a déjà fait une émission en référence à ça. Où est-ce que vous êtes bio-inspiré? C'est-à-dire les gens qui se disent bio dans la bio-inspiration. La nature est une inventrice permanente et... Alors je pense qu'il est important de bien rappeler les définitions du biomimétisme et de la bio-inspiration. Le biomimétisme, c'est vraiment l'idée de s'inspirer du monde végétal, du monde animal, et d'essayer de reproduire après le vivant. La bio-inspiration, c'est en fait un paradigme, c'est-à-dire que c'est l'idée de permettre à l'être humain et aux ingénieurs d'avoir une nouvelle représentation du monde, et de permettre ensuite à ces ingénieurs de développer des nouvelles solutions, de proposer de nouvelles solutions, mais on va dire que Cette fois-ci, on va être un peu moins fidèle à la nature, mais on va essayer de s'en inspirer. D'accord. Et donc, dans notre cas, nous, on a choisi évidemment le fait de vouloir être bio-inspiré, puisque même si on s'inspire de la nature, on prend certaines libertés. France Culture, Continent Science. Stéphane Delisgeorges. Alors, on peut tout de suite prendre un autre exemple, là encore, qui s'explique par les lois d'échelle. C'est celui de la collision, et qui est évidemment au début de cet article, où là encore, on voit ce qui va se passer avec l'énergie cinétique dans le cadre du robot moustique, donc qui dépend de sa masse. Dans l'énergie cinétique est extrêmement faible. Donc, les forces de compression produites pour la décélération sont également minimes. Bref. Un robot de ce type, comme une mouche d'ailleurs, si elle frappe extrêmement violemment une vitre, elle va pas se briser le cou, alors que si nous nous jetions furieusement contre les grandes glaces de la maison de la radio, au front de scène, ça serait vraiment embêtant pour nous. Et on le voit même en regardant voler une mouche dans l'air. Oui. Elle fait des virages qui, si on les faisait, on ne survivrait pas. On survit à peu près à une accélération de 7G. C'est ça. Assez oui, difficilement. Oui. La mouche, de par son poids, peut survivre à des accélérations beaucoup plus fortes, ce qui fait des mouvements qui sont absolument impossibles à notre échelle. Oui. D'autres exemples qui vous viennent comme ça à l'esprit avant qu'on passe à l'examen du robot abeille qui n'en est pas? La chute des cafards, la chute des insectes. Ils ont une résilience, une résistance au choc incomparable, de plus en plus forte au fur et à mesure qu'ils sont petits, qui leur permettent de ne pas être face à des problèmes de mécanique que nous, à notre échelle, on a immédiatement, résistance des os, faiblesse des articulations. Donc la nouvelle échelle permet d'imaginer des solutions radicalement nouvelles, inimaginables pour les drones classiques en particulier, dont la chute est immédiatement catastrophique. Oui. Les micro-drones sont beaucoup plus résilients. On le voit par rapport, alors là encore, petite incise, mais si on regarde les lois allométriques, on voit très bien que pour être éléphant, il faut avoir des grosses pattes. Il faut avoir des pattes énormes. Alors encore, c'est évidemment, ça correspond. Donc les lois d'échelle, l'ordre des échelles de grandeur est absolument essentiel et déterminante et donne ces capacités tout à fait inédites, enfin, piquées à la nature d'une certaine façon. Et c'est ce qui condamne les robots géants. Qui oui. Ne supporterait aucune chute de main. Ils tombent par terre, ils s'explosent oui. Obligatoirement. C'est ce que vous dites d'ailleurs dans l'article. Évidemment, ils sont très fragiles. C'est-à-dire les robots humanoïdes, si on les pousse violemment, ils se cassent. Comme nous. Ils comme se brisent. Nous. Oui, ils n'ont pas de capacité de résilience, mais pris au sens de la science des matériaux, c'est-à-dire de retrouver leur forme initiale comme un ressort retrouve sa forme initiale. Alors, Sébastien Grondel, allons-y. Comment vous est venue l'idée? Parce que là, ça va être absolument passionnant, hein, j'en suis sûr, d'avoir choisi quoi alors? L'abeille ou la mouche? Les ailes, combien? Alors, je voudrais pas faire de jeu de mots, mais je vais finir par prendre la mouche. Parce que non, on va dire que prenez la mouche. Oui, oui. Non, je pense que une équipe de Harvard travaille sur le robot abeille. Et la définition du robot abeille, c'est par rapport à l'application qui est la pollinisation. Je dirais que si on voulait être plus juste, si on regarde nous, le type de travaux que l'on effectue, mais qui est effectué également par les collègues de Harvard, c'est sur des robots à deux ailes. Et donc, on devrait parler de diptères. Alors que le robot abeille, c'est un hyménoptère, et donc c'est plutôt on a ici deux paires d'ailes. Donc, pour être vraiment précis, on travaille sur les diptères. Et donc l'origine de ce travail, finalement, c'est un collègue, le professeur Éric Catan, qui est venu me chercher parce que lui voulait réfléchir à une nouvelle logique. Et cette nouvelle logique était la suivante, c'était de pouvoir donc s'inspirer du vol des insectes, donc de ne pas essayer d'adapter ce qui se fait dans le macro-monde pour le miniaturiser, mais au contraire de partir de ce qui se fait au niveau des insectes et d'utiliser pour cela les micro-technologies. Et d'où la notion de micro-mécatronique. D'accord. Et là, évidemment, ça demande un soin. Est-ce qu'il y a des difficultés? C'est une question d'ordre général pour ce qui va venir. Est-ce qu'il y a des difficultés particulières? Puisque vous travaillez vraiment la taille concernant donc le RoboBee, par exemple, c'est 2,5 cm, un poids de 20 grammes, de 20 mg, pardon. C'est vraiment petit, quoi. Donc, est-ce que c'est difficile de travailler sur des petits éléments. Vous êtes obligé de travailler au microscope tout le temps, d'une certaine manière. Hein. Voire même de travailler à l'échelle qu'on utilise ou qu'on mobilise pour l'informatique. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que la difficulté, elle réside dans le fait qu'on passe du macro-monde au micro-monde. Encore et comme fois. Vous l'aviez souligné tout à l'heure, on n'a pas mentionné ici que dans le micro-monde, les effets d'inertie diminuent, mais les effets de frottement, donc de viscosité, augmentent. Et donc, pour un drone, genre un insecte, c'est comme si vous, avec une similitude, vous étiez en train de battre des ailes dans de l'huile. Et donc, évidemment, les caractéristiques ne sont pas les mêmes. Et si vous prenez l'exemple des oiseaux, les oiseaux vont avoir un mouvement donc de battement des ailes de bas en haut et de haut en bas. Alors que l'insecte, lui, va avoir un mouvement qui va aller d'avant en arrière, donc un battement qui va être dans un plan horizontal, contrairement aux oiseaux qui sont dans un plan vertical. Premier cas, l'aile battante, et là, on s'approche de l'aile vibrante, donc lentement. Hein, tout à fait, c'est ça. D'une certaine façon. Et donc, là, ça va avoir des conséquences, parce que dès qu'on est vibrant, alors d'abord, il faut faire vibrer. Bon, petit exemple que vous citez dans un de vos articles, Sébastien Grandel, évidemment, on a regardé du côté des colibris, parce qu'eux, ils ont une caractéristique, c'est les seuls oiseaux qui peuvent faire un vol stationnaire, alors que pratiquement la majorité des insectes font des vols stationnaires en sustentation verticale, et aussi des vols à reculons. Et là encore, c'est le cas, évidemment, pour les colibris, mais pour la majorité des insectes. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça améliore, c'est la portance? Qu'est-ce que ça fait? Comment on construit une aile vibrante? Alors, l'idée d'une aile vibrante, c'est que, contrairement... Alors, il faut peut-être repartir sur les ailes battantes. Une aile battante, oui. L'idée, c'est que l'oiseau, en fait, va en fait réagir, va faire déplacer... Une aile rigide, donc une structure rigide, et ce, grâce à un mouvement de levier. Alors que l'aile vibrante, l'idée, c'est qu'on va utiliser l'élasticité de la structure, justement pour faire déformer donc l'aile. Et c'est l'exemple que je donnais dans Science et Vie, où finalement, tout le monde a essayé de mettre une règle sur le bord d'une table, et puis d'appliquer une petite pichenette, oui. Et on s'aperçoit qu'à ce moment-là, on va générer des amplitudes de vibrations importantes. Donc là, on utilise la mécanique de déformation, et non plus la mécanique rigide. Alors, donc, les voilà équipés d'ailes vibrantes, et il faut obtenir quelque chose comme des centaines de battements par seconde. C'est le cas des insectes, hein. C'est le cas d'une mouche, par exemple. Alors donc, suite de la description et de l'inventeur Sébastien Grandel, qui essaye de faire vibrer pour faire des robots mouches, alors... quel est le moteur? Alors le moteur, on va dire, le moteur, c'est, il faut trouver un... Alors déjà, on peut pas utiliser de moteur, parce que quand on diminue en termes de taille, en loi d'échelle, il faut réfléchir à des actionneurs. Et comme actionneurs, il y a des actionneurs qui peuvent être piézoélectriques, c'est-à-dire le fait de transformer donc une tension électrique en une déformation. On peut avoir des actionneurs électromagnétiques, et c'est justement ce qu'on utilise, c'est-à-dire qu'on va utiliser un aimant, et une bobine de... et donc on va utiliser le fait que le courant, quand il passe dans la bobine, va attirer et repousser l'aimant. Cet aimant, se trouvant sur le thorax de notre prototype artificiel, il va faire que le thorax bougeant, on va entraîner le mouvement des ailes. Donc ça, c'est le moteur. Et puis derrière, contrairement à la nature, nous, on a fait un choix délibéré, et c'est là qu'on est bio-inspiré. Oui. C'est que la nature va travailler avec un actionnement indirect, avec un thorax résonant. Oui. Et nous, là, on a pris le choix de travailler avec des ailes résonantes. Donc on va travailler non pas sur le thorax résonant, mais sur la résonance des ailes. Alors c'est quel matériau? C'est de quelle nature? Alors ces matériaux, c'est des matériaux qu'on appellerait des matériaux polymères, qui sont adaptés à la fabrication de microsystèmes. Et on a pris des caractéristiques de ces matériaux polymères qui sont très proches de celles des insectes. Et donc en faisant des comparaisons entre la rigidité d'un matériau d'insecte et la rigidité, donc genre la rigidité du vivant et la rigidité du polymère utilisé en microélectronique, on s'aperçoit qu'on a des valeurs de rigidité et de densité qui sont à peu près similaires. Aux insectes. Aux insectes, oui. Aux insectes. Alors, eh bien, c'est cité, donc là, évidemment, il faut le signaler que, après tout, c'est comme ça, que la paternité du plus petit robot volant, ça date d'avril 2016, c'est récent. C'est vous qui l'avez obtenu, donc vous êtes les recordman du monde, c'est ça? Je ne me trompe pas, j'attribue pas aux Américains ce qui appartient aux Français. Hein, et qui utilise donc ce principe de ce principe vibratoire résonant, de vibration résonante. C'est bien ça? C'est bien ça. L'idée, c'est que on est vraiment parti sur une logique totalement différente. C'est que nous, on est parti sur l'idée d'ailes vibrantes. De celle des Américains. De celle des Américains qui, eux, travaillent avec des ailes battantes. Et donc, leur système nécessite finalement, même s'il fonctionne très bien, à la taille à laquelle ils l'utilisent, si jamais ils décident de miniaturiser leur système, ils vont avoir des difficultés puisque ça consomme beaucoup plus de puissance et d'énergie. Alors évidemment, est-ce que vous avez regardé les applications? Mais là, cette fois, c'est vers vous, Hervé Poirier, que je me tourne. Bon, dans le cas de l'entreprise, vous l'avez déjà dit, Sébastien Grondel, dans le cadre du projet américain, c'est évidemment de la pollinisation. C'est que maintenant, dans certains endroits, vu que les abeilles nous quittent, malheureusement, il y a une pollinisation, d'ailleurs, qui est une tradition qui est faite à la main. Mais là, on cherche à étendre de façon mécanique la pollinisation. Autrement, on va plus pouvoir se nourrir du tout sur la planète, en plus, avec la chaîne trophique dans les océans qui s'effondre. Bref. Application de ces minuscules petites mouches robots, Hervé Poirier. Une fois qu'on a réinventé le vol, c'est le monde entier qui s'ouvre. C'est évidemment la surveillance, mais aussi donc l'action directe sur le terrain, l'accessibilité à des endroits jusqu'ici inaccessibles. Ce qui est intéressant avec les travaux de l'équipe de Grondel, c'est la réinvention à partir de zéro d'une voie totalement nouvelle. D'aller dans les airs. Donc, je pense que les applications les plus importantes ne sont pas encore imaginées. Vous êtes en train de faire un prototype qui va donner des idées fantastiques à plein de gens. Le plus dur, c'est d'inventer le nouveau vol. Oui. Ensuite, je pense le saut est fait, là, si je puis dire. C'est comme pour les drones. Une fois que les drones sont là, les applications vont exploser de partout. Quand on est sur une notion aussi fondamentale que le vol, je ne sais pas si M. Grondel a des applications déjà très précises en tête. Je suis sûr que dans quelques années, plein de chercheurs vont en avoir des idées précises. Alors, Sébastien Grondel, là par exemple, il est cité que ça peut assister les équipes de secours, par exemple, par l'observation. Mais alors, petite question de principe général aussi, c'est quoi? C'est des micro-micro-drones? Est-ce qu'on peut les appeler comme ça? Parce alors... que ça vole et... En fait, si on regarde la définition de la DARPA, qui est l'agence américaine, ils définissent le micro-drone comme étant ayant une taille inférieure à 15 cm à 50 grammes. Oui, d'accord. Donc si on prend notre... Ça, c'est des Mirage 4, ça. Voilà, c'est ça. Donc nous, on est plutôt dans les poids plumes, puisqu'on a, finalement un poids de 20 mg actuellement, et puis de la taille de quelques centimètres. Donc on n'est pas tout à fait dans la même cour. La même catégorie, oui. Voilà, c'est ça. Et autrement, alors, à nouveau cette question, on peut imaginer, parce qu'on y reviendra pour un autre type de robot, mais là encore, c'est une caractéristique tout à fait intéressante, que de regarder la nature et de voir que, par exemple, les vols en essaim sont plus qu'intéressantes quand on voit, par exemple, certains oiseaux, voire certains insectes, qui sont donc en essaim en vol et qui, alors qu'il n'y a évidemment pas de commandant de bord, tournent de façon absolument simultanée de la droite vers la gauche, il y a une orientation différente, voire même enveloppent une proie, par malice, et là encore, il n'y a pas un pilote général pour la chose. Donc, est-ce qu'on peut imaginer aussi de mobiliser en essaim ces vos petites mouches qui puissent être des bons capteurs, des bonnes caméras, des bons observateurs, en somme? Alors, le domaine les personnes avec qui on travaille et qui travaillent là-dessus, c'est le domaine des multi-agents. Et l'idée, c'est qu'on va parler ici d'intelligence collective, c'est-à-dire qu'il va falloir coordonner, percevoir son environnement, agir sur son environnement et communiquer également avec son environnement. Et on peut évidemment imaginer utiliser nos essaims de drones ou de nano, genre de micro-micro-drones, mais tout ça demande après d'arriver à écrire des algorithmes qui vont permettre un comportement en trois dimensions. Parce que là, on est cette fois-ci pas comme pour les fourmis, mais on se retrouve dans l'espace. Donc il faut réfléchir à ces aspects-là. Cet aspect perception est important, puisque soit on va faire des algorithmes simples et on parlera de perception réactive, ou alors on aura des algorithmes un peu plus compliqués et on parlera à ce moment-là de perception cognitive. Oui. Et on va venir évidemment sur un autre exemple plus tard, sur l'intelligence artificielle, immanquablement, puisque de toute façon, une coordination comme ça d'artefacts, bien évidemment, mobilise beaucoup, beaucoup l'intelligence artificielle. Un petit commentaire avant que nous ayons une petite respiration musicale, Hervé Poirier. Les réflexions de Monsieur Grondel résonnent encore avec l'observation simple des insectes. On voit, ils ont trois caractéristiques, ils sont donc tout petits. Leur comportement individuel est simple, mais ils sont en très grand nombre. Donc il y a tout un courant de robots insectes qui exploite ces trois caractéristiques, taille, simplicité et nombre, pour faire émerger des comportements d'une intelligence redoutable. Le vol des étourneaux que vous citiez, on voit bien la complexité qui émerge à partir d'éléments très simples en très grand nombre. C'est un domaine qui est cependant encore assez balbutiant. On en parlera sans doute tout à l'heure. Hey baby, what do I have to do to make you love me too? Voilà, hop, hop, passé le mi-temps de ce rendez-vous de Continent Science, toujours en compagnie d'Hervé Poirier, rédacteur en chef de Science et Vie, et de Sébastien Grondel, qui lui fabrique des micro-micro-drones, ou en tout cas des insectes robots façon mouche, diptère. Donc, alors, on peut peut-être rapidement passer, parce qu'il faut qu'on donne l'éventail et on reviendra dans plus de détails après. Mais, et là je vous mobilise, Hervé Poirier, le robot cafard, il est incroyable celui-ci. 7 cm de haut, 2,8 cm de longueur, son poids 46 grammes. Alors il fait quelque chose, encore une fois grâce aux lois d'échelle, d'étonnante. Il s'aplatit, il comprime l'exosquelette dont sont équipés tous les insectes. Là encore, performance classique des insectes, performance inimaginable pour les animaux de grande taille, la capacité à se contracter, à ce que la mécanique à ces échelles-là soit résiliente, puisse être réversible. Et donc les cafards sont ces micro-cafards sont en particulier imaginés pour aller dans les endroits de catastrophe, pour pouvoir se glisser dans des tuyaux beaucoup plus petits. C'est un des gros problèmes à Fukushima, par exemple, mettre au point des robots qui peuvent se comprimer pour rentrer dans les endroits où la taille nécessaire devient imprévisible. Les insectes sont capables de se comprimer ces robots cafards sont en développement à l'Université de Californie. Oui, alors ils font 7 cm, je le répète, hein, ils peuvent donc s'aplatir et passer à travers des ouvertures de 3,5 cm de hauteur. Et là, ils supportent une force de 1 kg quand ils font ça. On voit presque, dans beaucoup de cas, pas tous, mais dans beaucoup de cas, on voit, Sébastien Gondel, que, en particulier, de réduire comme ça la taille, ça permet d'aller voir dans des canalisations très complexes, qui sont coudées, qui sont d'aller faire des tas de choses. On peut imaginer par exemple de la réparation de micro-fissures, ainsi de suite. Donc là encore, le champ d'utilisation est incroyable en se miniaturisant. Je répète, Hervé Poirier, ça va être notre ancienne là pendant toute cette émission, mais voilà. Les robots insectes nous font vraiment rentrer dans un nouveau monde, le marcher sur l'eau, coller au plafond, se tomber de plusieurs centaines de mètres, même pas mal. Oui. Le bousier, hein, on va dire, dans la nature, il est incroyable. Hein, c'est comme si nous, on arrivait à faire pousser des boules de 10 tonnes. Hein. Oui, c'était une des fausses informations qui se circulent beaucoup sur Internet ou dans les journaux scientifiques. Le record de bousier, il est capable de pousser 1000 fois son poids. Oui. On a régulièrement des actualités comme ça. Piètre performance, finalement, si on se ramène, j'avais fait le calcul à l'époque, si on se ramène pour l'homme, oui, ça correspondrait à pousser une boule qui fait 2 tonnes. C'est difficile. Mais si la boule est parfaitement ronde, c'est pas totalement hors de notre portée. Donc, oui, avec une bonne adhérence et tout. Oui, voilà, ça. Il faut remettre le bousier à sa juste place. Il est petit, et ce qui explique que puisse pousser des sphères de détritus sans que l'on tombe de notre chaise en voyant ça. Oui, c'est les lois d'échelle derrière. C'est encore les lois d'échelle. Alors concernant d'autres, enfin encore les lois d'échelle, mais cette fois, alors vous l'aimez bien celui-ci. Vous avez dit non, le robot cafard. Bon, d'accord. C'est votre évidemment votre estimation propre, Sébastien Gondel. En revanche, le robot d'État, vous dites ok. Il vous plaît bien le robot d'État. Oui. Moi aussi, hein, parce que le coup de la flagelle, c'est formidable. Hein. Ben en fait, ce qui... Du flagelle, pardon, excusez-moi. Ce qui m'intéresse, c'est que je trouve que le robot abeille, le robot mouche et le robot d'État ont cela en commun, qu'ils oui. ont le. En fait, on travaille sur l'aspect locomotion. Et ils ont aussi également en commun ce que j'appellerais pour les aérodynamiciens le nombre de Reynolds. Et le nombre de Reynolds, c'est ce qui caractérise le rapport entre les forces d'inertie et les forces de viscosité. Alors si on prend le cas des insectes qui volent, on sait que ce rapport de force d'inertie force de viscosité est à peu près équivalent. Et c'est ce qui fait que les insectes volants nagent dans l'air. Si maintenant j'arrive au robot tétard, à ce moment-là, les forces de viscosité sont prépondérantes devant les forces d'inertie. Et là, il faut vraiment réinventer la nage, puisque ce qui existe actuellement, c'est-à-dire pour l'anguille, pour les poissons, finalement, c'est tout ce qui correspond à cette nage n'est plus adapté pour des micro-organismes tels que les bactéries ou les spermatozoïdes. Et c'est pour ça qu'on a cette notion de flagelle. Et on va justement travailler sur les forces de viscosité de frottement, cette fois-ci, pour pouvoir se déplacer. C'est ça. Et là, donc, la motilité vient par cette ondulation, quoi. C'est des onduleurs malins. Évidemment aussi, on n'a qu'à penser aux spermatozoïdes nécessaires à la reproduction sexuée. Alors, ça ressemble à quoi ? Taille 2,8 cm, poids 31,9 mg. Et ça ondule sous l'eau, sur l'eau. Et c'est dirigé par la seule lumière. Vous voyez, je répète exactement ce que j'ai lu dans cette excellente livraison nouvelle de Science et Vie. Donc, ce flagelle, donc cette espèce de filament mobile, il peut être soit de forme hélicoïdale, soit de forme allongée et flexible. Et c'est le point 2 qui a été mobilisé. Dans ce cas, pourquoi ? Alors le point 2, en fait, il correspond au fait que, comme j'ai dit précédemment, le principal effet mis en jeu, c'est les forces de viscosité de frottement. Bien sûr. Et donc, en fait, lorsqu'on va faire onduler de manière non symétrique la flagelle, celle-ci va profiter de la résistance de l'eau, puisque finalement le fluide est collé à la flagelle, pour prendre appui dessus et se déplacer. Et c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait original par rapport au cas des poissons, où là, on va plutôt faire bouger le fluide autour. Là, on s'appuie directement sur le fluide. C'est ça, on est sur la surface, il y a une résistance, et on en profite, on ne coule pas. On coule bien pas. Vivant. Et on nage là-dessus. Alors, il est précisé donc que c'est dirigé par la seule lumière. Là, c'est la malice, parce que là, c'est, je dis le moteur au sens presque du concept aristotélicien du premier moteur, le moteur immobile, enfin bref, tout ce qui peut être à l'origine de la formation d'une cause pour obtenir un effet. Donc, dans ce cas-là, comment ça marche? Ça se dirige avec la lumière, alors comment fait-il? Alors l'idée, c'est que l'actionneur, c'est-à-dire la flagelle, oui, est constitué d'un film polymère, lui-même constitué d'une molécule, oui, et cette molécule, c'est l'azobenzène. Et cette azobenzène est chromophore, c'est-à-dire qu'elle change de forme selon la nature de la lumière qu'elle reçoit. Donc justement, il suffit d'éclairer par des ultraviolets, et à ce moment-là, vous allez avoir donc le mouvement de cette flagelle. C'est-à-dire contraction. Contraction. Et relâchement. Relâchement. Contraction, voilà. Relâchement. Tout à fait. Diastole, systole, d'une certaine manière, comme un cœur qui bat. Mais ça, là encore, c'est une propriété très malicieuse. Parce que ça vient, là, cette fois, de propriétés de certains matériaux. Puisque là, il s'agit d'une molécule particulière, hein, dont je vous laisse répéter le nom. Non, allez, c'est l'azobenzène, mais. Là, on est encore devant une situation d'extraordinaire inventivité, hein, une mobilisation pluridisciplinaire, hein, fait Poirier. Et on sent bien que c'est plus bio-inspiré que biomimétique, car il ne s'agit pas d'aller chercher au sein des spermatozoïdes la façon dont la flagelle est activée. Il s'agit de mobiliser tout le corpus d'ingénierie, de propriétés des matériaux, pour aller chercher celui qui pourrait singer. Donc on est vraiment. Les travaux ont une grande liberté par rapport à la nature, même si. Ça part du principe que les meilleures idées ont déjà été inventées. Donc, et pour répéter là encore rapidement, hein, c'est donc la couche supérieure du film qui est le plus exposée aux UV, ce qui produit une sorte de torsion, la suite est simple, les déformations du matériau, elles sont répétées sous l'effet de flash lumineux et font évoluer et onduler ce flagelle. On peut peut-être en venir, parce que je les aime bien, les robots fourmis, j'aime bien leur nom en anglais aussi, les micro-tug. Là, celui-là, c'est quelque part le plus spectaculaire. C'est-à-dire comment une micro-robot peut soulever à la verticale. Oui, incroyable. Sur une fenêtre, par exemple, un poids assez, assez impressionnant, totalement inimaginable à notre échelle. Donc, avec des applications assez évidentes sur les constructions, les réparations dans des milieux, dans les gratte-ciel, par exemple. Et, les premières performances de ces robots fourmis, qui ont été capables, à 6 petits robots qui font 12 grammes chacun, ont été capables de déplacer une voiture. Là encore, c'est qu'ils ont... 2 tonnes La voiture. C'était pas une voiture verticalement, quand même. Oui, hein, c'était horizontalement. Oui, oui. Mais les performances, c'est d'abord et avant tout pour la verticalité, et ça ouvre des champs qui... Enfin, c'est micro-Spiderman dans les gratte-ciel, donc c'est l'imaginaire se déploie sur ces machines qui, je répète, ne sont qu'à l'état de prototype. Donc nous sommes à l'amont de la grande invasion, mais parions que dans quelques décennies, nous verrons ces micro-fourmis électroniques se balader sur nos façades. Alors là encore, pour bien comprendre que on doit attribuer ça à des lois d'échelle, c'est que la puissance d'un organisme, donc sa puissance de lever ou de pousser, est proportionnelle à sa taille au carré, alors que le poids est proportionnel à la taille au cube. Donc on voit bien comment les choses se font. Ce qui montre que, par exemple, des fourmis peuvent tenir d'énormes abeilles tout à fait tranquillement, voire avec une patte, même sans utiliser leur crochet. Donc, c'est, encore une fois, parce que c'est quand même merveilleux, c'est le monde lilliputien, et que le monde lilliputien change tout, quoi. C'est-à-dire que ces lois qui nous imposent, qui nous sont imposées par notre taille, sont complètement contournées par la dimension de miniaturisation. Là, j'arrête pas d'être étonné là encore, parce que c'est tout à fait là encore étonnant. Qu'est-ce qu'on imagine comme application pour ça? Est-ce que vous vous souvenez? Pour ces micro... La construction semble la première application immédiate, c'est-à-dire réparation, les barrages par exemple, les barrages qui sont des structures verticales colossales. On peut imaginer ces fourmis, ces micro-fourmis portant leur propre cargaison de béton à réparer et vont le mettre directement dans les fissures. C'est une des premières, c'est la plus évidente et la première application envisagée, mais là encore, maintenant que les machines commencent à être prêtes, ce sont les ingénieurs qui vont nous surprendre par des applications qu'aujourd'hui on n'a pas encore nous imaginées. Alors on arrive lentement à l'araignée d'eau. Oui. Voilà, c'est un spectacle merveilleux d'enfants, les voir les araignées d'eau marcher sur l'eau. Oui. Là encore, elles utilisent donc ce film qui est ce film de résistance à la surface de l'eau. Et comme vous le disiez, il faut imaginer la surprise des araignées de nous voir nous baigner dans l'eau, ce qui est elles ne peuvent pas fracasser cette tension de surface. Oui. Donc la magie évidemment est dans les deux mondes, mais nous sommes plus habitués à transpercer l'eau plutôt qu'à flotter dessus. Ces araignées qui sont mises au point en Corée du Sud, pour des buts d'antipollution, de pollution en particulier, analyser les surfaces des liquides, elles gambadent déjà joyeusement sur les surfaces. Un commentaire là, sur ce robot, Sébastien Gondel. Parce que moi je le trouve là encore étonnant quoi. Il y a, cela dit, petite incise aussi, il y a un lézard qui court très vite, on l'appelle d'ailleurs parfois le lézard Jésus, il court sur l'eau. Alors lui il joue évidemment sur la résistance hein, de la pellicule de surface et aussi sur la célérité de son déplacement, non ? Mais en tout cas voilà, un petit commentaire concernant petite puce robotisée. C'est sûr que cette petite puce robotisée est impressionnante. Alors la seule question que j'avais finalement en relisant l'article était de savoir si pour pouvoir faire le saut on comprime un ressort. Mm-hmm. Et je me demande comment on fait pour une fois qu'on a finalement lâcher le ressort et qu'on a opéré le premier saut, comment on fait pour réamorcer, pour pouvoir permettre un deuxième saut? Et j'avoue que j'avais pas la réponse dans l'article, donc même si c'est passionnant, je pense qu'il faut quand même une certaine force importante pour comprimer le ressort et permettre finalement la multiplication des sauts. C'est une des questions clés de tous les micro-robots, la source d'énergie. Comment est-ce, et ça absolument. A longtemps été le facteur limitant. Oui. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de perspectives assez variées de piles, de micro-piles, soit durables, soit autres, qui laissent penser que ce mur est en train d'être franchi. En ce qui concerne l'araignée d'eau, j'ai pas la réponse. Alors, le robot puce, bon, et puis on va arriver. Alors là, on va rentrer en plein dans les considérations qui sont dominées par le nombre. Jusqu'ici, évidemment, vous travaillez sur Sébastien Gondel, vous travaillez sur un individu unique, si je puis dire, ou en tout cas un exemplaire unique, un seul robot. On a commencé à aborder les pléthores qui se réunissent, les saints, le vol collectif. Donc, qu'est-ce que on doit déjà installer d'abord? On peut remarquer, peut-être, on peut peut-être rappeler, s'appuyer sur cette chose, et ça c'était les travaux pionniers de Guy Terolaz et d'autres, qui ont montré, quand on regarde des fourmis faire une fourmilière, et en particulier s'il y a des arcades dedans, s'il y a des arches, eh bien, évidemment, il n'y a pas d'architecte, il n'y a pas de contremaître général, et simplement par un jeu de phéromones très particulier, chacun des individus fourmis vont déposer à cet endroit dans un balai continuel jusqu'à construire donc une arche complète la petite boue nécessaire, la petite glaise nécessaire pour construire leur habitation, leur abri. C'est ça l'un des modèles, évidemment. Absolument. De l'intelligence en essaim. Et si on se surprend depuis le début de l'émission des lois de la physique dans le micro-monde, ici les lois du collectif sont encore plus étrangères. Oui, là oui. Nous qui sommes des êtres hyper centralisé avec une intelligence qui descend dans ses actions. Là, c'est le monde là devient radicalement différent quand il n'y a plus de centralisation des ordres, mais quand il y a le collectif qui commence à faire émerger une action intelligente non prévue par un grand ordonnateur. Donc là encore plus, nous rentrons dans un monde totalement nouveau par ces intelligences collectives qui commencent à être esquissées. Alors donc, qu'est-ce qui se passe quand il y a multiplication? Évidemment, c'est un type d'interaction collective. Il va donc y avoir des interactions individuelles. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Le robot thermique? Est-ce que c'est un bon exemple qui s'assemble en colonie et qui s'appelle, pour ceux qui le développent, le Kilobots? Je ne me trompe pas. Ce robot a même été conçu pour être distribué aux chercheurs qui veulent travailler sur l'intelligence collective. Ça, c'est-à-dire oui. que c'est un robot il est conçu expérimental comme ça, comme ça, oui. pour lancer la recherche des robots collectifs. Donc ça va être aux différents laboratoires de l'acheter. Ça vaut 2 euros l'unité. Donc il s'agit d'en acheter plusieurs milliers et de commencer à travailler des micro-programmes très simples qui feraient émerger des comportements collectifs intelligents. Mais ici, on est encore dans un vraiment le premier pas. Ils construisent la boîte à outils qui permettra de faire des essaims qui répondront à différentes fonctions qui sont là encore assez difficilement imaginables aujourd'hui. Mais on est vraiment là dans eux, c'est les fournisseurs d'outils pour les ingénieurs. Ouais, c'est ça. C'est une machine. Une industrie qui est développée en Suisse. Ouais. Donc, et qui fait que, alors ça coûte 1000 euros la boîte de 10 euros construite, toute prête, de 10 robots, pardon, alors que si on la monte à la main, ben ça coûte des pichenettes. Oui, le prix que je vous ai donné est faux, prix que vous donnez qui est le bon. Oui. Mais on en a parlé avec l'entreprise, elle pense pouvoir descendre le prix une fois qu'ils rentreront en grande production. L'idée c'est de les produire en masse. Et après, à chaque groupe d'ingénieurs de s'en emparer. Alors, votre commentaire, vos explications concernant, cette fois, le collectif. Alors, Sébastien Grandel. Par rapport au collectif, je pense que dans un premier temps, et il est, comme vous l'avez mentionné, Stéphane Delis-Georges, de s'inspirer de la nature. Et donc, quand on voit bien le comportement des vols des oiseaux, le banc de poissons qui évite un prédateur, les fourmis avec les phéromones, la danse de l'abeille, on a un certain nombre d'exemples dans la nature qui sont vraiment très intéressants et qui peuvent être utilisés. Après, comme l'a souligné Hervé Poirier, finalement se pose la question de pouvoir développer des algorithmes. Et ces algorithmes vont être plus ou moins compliqués, que l'on parle de perception réactive ou de perception cognitive. Alors il faut savoir qu'on peut évidemment utiliser, et c'est très intéressant, ces robots thermites, ces kilobots, pour pouvoir faire des tests. Mais il y a des chercheurs qui travaillent également sur le fait d'avoir simplement un robot réel et de travailler avec un environnement de robots qui n'existent pas mais qui existent simplement dans l'ordinateur. Et on va apprendre à communiquer entre eux. Donc finalement on est dans un espace virtuel et on pourrait justement reprogrammer toutes les lois, tous les algorithmes uniquement avec un seul robot et un espace virtuel. Alors il fait, là encore pour la taille, il fait quelque chose comme la taille d'une pièce de 2 euros. Ils travaillent en colonies, ils ont fait des expériences en mobilisant 1024 individus, donc une vraie colonie, et avec cette question pendante et toujours permanente, comment peut-elle s'auto-organiser? Là, c'est vraiment une propriété qu'on peut dire émergente, c'est-à-dire qu'on a beau faire la somme de toutes les parties en présence, eh bien non, il y a quelque chose de singulier qui va sortir et qui s'appelle l'auto-organisation cette situation. Comment est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'en particulier, on longe le groupe. Comment est-ce qu'on peut décrire ce qui se passe? Quelles sont les malices qui ont été développées pour faire marcher comme ça des robots tous ensemble? Alors déjà, chaque robot doit être capable de se repérer par rapport aux autres. Oui. Donc on va utiliser ce qu'on appelle un gradient de proximité, c'est-à-dire qu'il y a une communication entre les robots, et grâce à cette communication qui s'effectue par infrarouge, on est capable de savoir si on a beaucoup de robots autour de nous ou pas. Évidemment, si on a peu de robots autour de soi, il faut essayer de se rapprocher de là où il y a beaucoup de robots. Ensuite, la deuxième phase, elle est qu'on a des robots qui sont des sources qui envoient finalement des informations et qui sont des robots immobiles et qui permettent de se repérer dans l'espace et qui va permettre finalement à un ensemble de robots de se déplacer vers ces sources. Et donc c'est par rapport à ces gradients de proximité et puis également à ces robots sources, robots immobiles, que l'essaim va pouvoir se former et se déformer. Donc en particulier, ils vont tous longer les bords de ce qu'on peut appeler le troupeau, hein, c'est ce qui est utilisé. Et donc ils vont avoir l'obligation, ils vont faire apparaître, en étant auto-organisés de cette manière, en connaissant la distance de proximité les uns des autres, de faire des motifs. Et après, on peut, d'un seul coup, leur imposer de se désunir de cette forme qu'ils avaient adoptée, donc une sorte de pattern, et de reconfigurer une nouvelle figure, un nouveau design, si on peut dire, de cette réunion. C'est bien ça? C'est bien ça, tout à fait. Alors, là, ça servirait à quoi? Quelles seraient les possibilités d'emploi de cette avant-garde, là, de robots termites, kilo-robots, à quoi ils peuvent servir? Une attaque frontale, cette fois, est-ce que le militaire peut arriver en se disant, tiens, on va les équiper, puis parmi eux, on va mettre quelques kamikazes qui vont aller faire... là, si on a 2500 ou 8000 ou 1 milliard de robots, je ne sais pas quoi, et qui d'un seul coup explosent, bonjour le kamikaze télécommandé. Quel est votre sentiment? Application. Application, évidemment, il est clair qu'avec ce type de robot, on peut imaginer d'arriver dans un espace confiné et puis dans un immeuble et puis de venir propager l'ensemble de l'essaim au sein de chacune des pièces et donc aller en mission. Après, si vous prenez Michael Crichton, la proie, dedans, il utilise ses essaims de robot pour être capable de prendre une forme humaine et même de prendre la forme de la bouche de manière à pouvoir parler. Donc on peut imaginer, des écrivains ont pensé à des choses plus futuristes que celles qui existent à l'heure actuelle. C'est incroyable, non, Harry Parallier, non, c'est vraiment incroyable, non? Ah bah, le Michael Crichton avait aussi fait beaucoup de livres sur les nanorobots, qui est... Oui. L'échelle encore en dessous, là on arrive à l'échelle moléculaire. Mais je trouve que l'échelle la plus fascinante est quand même cette échelle du micro où tout est inventé. Et c'est là où on peut agir quand même sur le monde réel de façon incroyablement plus efficace. Alors c'est sûr que le grand là où on n'a pas pu enquêter de façon très approfondie, c'est le côté militaire où évidemment. Les applications militaires, il n'y a pas un seul exemple ce qui n'intéresse pas, en particulier à DARPA ou toutes les agences, car c'est évidemment une prise d'action sur le monde qui est d'un ordre de grandeur inimaginable jusqu'ici. Oui. Alors donc ça pourrait être le motif pratiquement de notre conclusion, en tout cas de nos considérations philosophiques, c'est que évidemment là vous êtes démurge d'une certaine façon. Et en faisant cette science appliquée, avec toute cette physique nécessaire, avec toute la malice pour, en tout cas, prendre modèle, image sur la nature, est-ce que vous pourriez devenir apprenti sorcier d'une certaine façon, puisqu'il y a un groupe qui est intitulé « Éthique pour les systèmes composés », je crois, quelque chose comme ça, à intelligence, bref. Là, quel est votre sentiment? Vous avez une position éthique, vous faites attention, vous êtes responsable? Alors, évidemment, on a beau être scientifique et travailler ici sur les micro-robots, c'est quelque chose qui est passionnant d'un point de vue scientifique. On est citoyen avant tout. Et citoyen avant tout, c'est qui fait que il faut aussi on réfléchit également donc aux applications éventuelles des robots, et les applications malheureusement sont souvent mercantiles, civiles, militaires, et c'est tous ces aspects-là qui rendent finalement toute avancée dans la science compliquée. Sans compter les tensions écologiques, car ces robots dans la nature pourraient y polluer les endroits où ils sont abandonnés. Oui. Et pour finir aussi, on peut imaginer, ça m'a été suggéré par Thierry Beauchamp qui m'aide à préparer les émissions, qu'il y aurait peut-être des robots insectes prédateurs d'autres robots. Bref, on recommencerait une théorie de l'évolution, mais qu'avec des artefacts humains. Ben voilà, nous sommes au terme de ce numéro de Continent Science. On ne peut que recommander là encore la lecture de la dernière livraison de Science et Vie. Merci bien sûr de votre attention et de votre fidélité. Vos remarques et vos critiques restent toujours les bienvenus. À la console aujourd'hui, Jean-Guy Lamège, pour la documentation donc Thierry Beauchamp, à la réalisation Dany Journeau, Stéphane Delisgeorge. Comme vous le savez, Continent Science est balado-diffusé. Si vous voulez réécouter cette émission n'importe où, n'importe quand, vous vous reportez au site internet franceculture.fr à l'émission Continent Science, et ainsi vous avez la possibilité de nous télécharger le temps d'une grande année. Demain, à la même heure, vous retrouverez René Friedman pour les révolutions médicales. Il me reste à vous souhaiter un très bel après-midi sur France Culture.